Chapitre 318. La réprobation de jurer, même de façon sincère, au cours d'une vente. 1720. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Le serment permet d'écouler la marchandise, mais il fait diminuer la bénédiction et les profits. » Al-Bukhari et Muslim. 1721. Abu Qatada, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Prenez garde, ne multipliez pas les serments au cours des ventes, car s'ils permettent en effet d'écouler la marchandise, ils diminuent surtout la bénédiction et les bénéfices. » Muslim.